Un risque parfait. Des mains mortes de la nuit soulèvent ma peau, enfantent une borne au croisement de deux vides. L'air retarde. C'est peut-être ma mort. Je ne pense pas, dit une simple agitation. D'ailleurs, voilà la sortie qui est un battement de cœur échappé de la vie. Va et rentre dans la ronde des aiguilles d'os, histoire de coudre tes silences, puis accapare tes ombres, stocke et couche-toi sur la montagne noire. Ceci sera ton testament d'une seconde. Après la découverte du temps, l'espace se décomposa. La flaque blanche qu'est la tente se dressa et se fit miroir. Mes visages s'y succédèrent. Mes poings s'étranglèrent. Ne réchappa que mon souffle. Livré à lui-même. C'est peut-être ta mort. Je ne pense pas, dit mon propre linceul, qui en réalité n'était pas propre du tout, mais souillé d'éternité perdue. Regarde ce corps étendu, qui se voudrait le tien, qui te ressemble. Porte-le à bout d'âme, marche, l'œil agrafé sur la chair du monde. Je décidai d'en finir, j'ouvris la vie en deux, j'épousai mon cadavre. Nous fîmes nos valises et partîmes plus loin que loin, à un pas du néant.